Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Presque réveillé. On est presque chaud à vous faire une matinale, mais vraiment presque. Et nous avons perdu notre petite caféine à nous, notre bon Doug qui n'est pas là ce matin car il est en vidéoconf, comme on dit dans la Startup Nation. Donc on va essayer de tenir l'antenne à deux avec presque pas la tête dans le cul. Et avec presque pas un chat qu'on a laissé dans la chambre. Pour, j'avoue, le goût du risque. Voilà, on sait que les dernières tentatives sont sur le départ du thé renversé, des ordi valdingués. Et un micro renversé également. Voilà. Alors... Bon, on attaque direct sur les chapeaux de roue avec un éphéméride, hein, tant qu'on est là. Hein alors aujourd'hui... aujourd'hui... aujourd'hui, on n'a pas la pêche. Aujourd'hui, jeudi 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation. Aujourd'hui, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Alors voilà, sensibilisez-vous. Peut-être on peut regarder hors normes pour se sensibiliser. Oui, posez la tête sur vos épaules. Alors ça, faut avoir la ref du film. Oh, d'accord, pardon, parce que moi c'était ref... directement en mode chausson paillarde. Ou la ref de la bande-annonce. Voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre pour enfants. Je vous conseille le livre de la petite taupe qui voulait savoir de qui on lui avait fait sur la tête. Je pense que c'est librement inspiré de la vie de Richard Berry. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cet aspect de la vie de Richard Berry, on vous conseille de googler caca Richard Berry sur Twitter. Sinon, on souhaite à tous une... on souhaite juste une bonne fête aux Alexandrines et dérivées Sandrines. Ah. Ouais, j'ai vu ça sur Wikipédia. Yes, voilà. Intéressant. Bah, on vous embrasse, hein, les Sandrines et Alexandrines, qui doivent sûrement pas être parmi nos 11 auditeurs du moment. Putain. C'est dur. Alors, si vous êtes né le jeudi 2 avril, joyeux anniversaire à vous. Vous partagez votre anniversaire avec ce monsieur qui a eu cette idée folle un jour d'amender l'école. C'est Luc Ferry. Sacré Charlemagne. En plus, c'est pas vrai, il a pas vraiment inventé l'école. Si on veut être un minimum pointu au niveau historique, il a juste créé des écoles pour les moines. Alors, c'est pas vraiment lui qui a inventé l'école. Donc voilà, c'est l'anniversaire de Charlemagne. Bisous Charlemagne, c'est ton anniversaire. Carlos Magnus, on t'embrasse. C'est également l'anniversaire aujourd'hui de Giacomo Casanova. Attaquant de la Juventus de Turin. Pas du tout, gros queutard, italien. Ah ok, d'accord. Pléonasme peut-être, queutard italien, voilà. C'est également l'anniversaire du mec qui a donné son nom à plein d'avenues, Léon Gambetta. C'est aussi l'anniversaire d'Émile Zola. Voilà, Jacques Hughes, Roman Polanski. Pardon. C'est également aujourd'hui l'anniversaire d'un sacré, un sacré luron, Thierry le Luron. Waouh, on va s'amuser aujourd'hui, on va s'éclater tous ensemble. Cette émission est sponsorisée par Prozac. C'est également l'anniversaire de Marie-Ange Nardi. Et par Migler également. Marie-Ange Nardi, qui présentait des trucs à la télé quand on était petit. Ah mais petit. Attends, elle était, c'était le, attends. Je crois que c'est elle qui faisait qui est qui. Oh putain, c'est quoi ça? Ah ouais, on est sur du ouais, old school, on est old sur school, du très très vieux. Si vous que avez vos meilleurs moments de Marie-Ange Nardi à nous envoyer, participez sur le chat, on attend que ça. Alors c'est également aujourd'hui l'anniversaire de Marc Caro. Marc Caro, peut-être ça vous dit rien, mais je pense que Jean-Pierre Jeunet, ça vous dit quelque chose. C'est Marc Caro, c'est un copain de Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et avec Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro a co-réalisé deux films vraiment de très grande qualité. Le premier, c'est La Cité des Enfants Perdus. Et le deuxième, c'est Delicatessen. Alors, si vous n'avez pas vu ces films-là, je vous les conseille fortement. C'est des très bons films avec une esthétique très particulière, des acteurs vraiment excellents. Je pense notamment à Monsieur Dominique Pinon ou à Jean-Claude Dreyfus aussi, qui sont excellents, vraiment. Et dans Delicatessen, vous pouvez aussi voir, par exemple, un des premiers rôles de Karine Viard. Voilà. Ça plaira à certains de nos auditeurs, j'en suis sûre. Alors, ce petit bruit que vous entendez, c'est Malo qui se secoue. Qui se secoue la collerette. Également, aujourd'hui, l'anniversaire de Michael Fassbender, The Actor. Ah ouais, voilà. Ouais. Pour moi, c'est un de mes préférés. Hein. C'est un très, très bon acteur. Pour moi, c'est le step. C'est l'équivalent de Poulevard au cinéma français. C'est le. Oui. Enfin, c'est. Un film avec Michael Fassbender, ça va être un bon film. C'est vrai. En plus, il est très, très... il parle allemand, il parle anglais, forcément. Il chante aussi. Ouais, il est d'origine allemande, d'origine irlandaise aussi, voilà. Ouais. Donc on retourne dans plein de films. Alors, moi, personnellement, si je dois vous conseiller un film, c'est mon préféré de tous les temps, c'est Shame de Steve McQueen, où il joue dedans, c'est... Performance de ouf. On voit son cul, on voit sa top pour les femmes qui nous écoutent et qui veulent se faire plaisir, qui veulent se rincer l'œil. Yes. Très beau gosse, mais au-delà de ça, grosse performance d'acteur, ouais, très beau film. Il joue aussi dans le film de Tarantino, Inglourious Basterds. The Dangerous Method de... Mince, j'oublie. Ah. Je l'aurais pas, parce que j'étais dans le film. Donc, attends, il y a un film aussi où il est ouf, où il joue un... On va être les pires pour parler cinéma, là. Ah, dans ce film-là, tu sais, là, où il fait des claquettes, là. J'ai l'impression d'être un sous là. Non, mais il joue aussi dans un film, je sais pas si vous l'avez aussi. Vas-y. Un film où il est chanteur, mais il est... Frank. Avec la tête de papier mâché, là. Avec une tête de papier mâché. C'est un ovni, ce film, mais il est excellent. Il est hyper poétique, hyper, hyper beau, ce film. Il y a François Civil dedans. Ah putain, mais oui! Il y a François Civil et il y a aussi le fils de Maugrey Folleuil, là, comment il s'appelle? Roux, là. C'est les. Putain! C'est les. Ouais, mince, c'est une grande famille d'acteurs irlandais, bordel, ouais. Ça fait. Ça, ouais, putain, bon. J'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Voilà, bah écoutez. Ah bon, je vais googler ça tout de suite. Michael Fassbender, ouais, putain, sinon ça va être une catastrophe. Qui joue le méchant dans Star Wars, le méchant colonel, Frank. Mais il joue Percy aussi, je crois, dans Harry Potter, il joue dans l'épisode de Domo Gleeson. Ouais, voilà. Et la famille Gleeson qui sont des toute une Ouh, il est né 12 mai, il est taureau comme moi. Yes. Pardon. La fatigue. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme anniversaire? On en a plein aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. C'est l'anniversaire de Bethany Joy Lenz. Alors pour ceux qui ne savent pas, Bethany Joy Lenz, notamment moi, c'est LA dans Les Frères Scott. LA, genre elle s'appelle Los Angeles. Hailey. Okay, Hailey dans Les Frères Scott qui joue Jim Coppola avec Nathan Scott. C'est la femme de Nathan. Ok, bah je l'ai pas, mais j'imagine que pour ceux qui. On la référence. Ça remonte tout ça, ça remonte. Ça non, pas tant, parce que moi je les ai rematés il y a pas très longtemps, tous Les Frères Scott. Madeleine de Proust, hein. Exactement. Sinon, c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Cobaladé. Cobaladé, voilà. Copé pour pas danser, c'est on ça. On lui dit pas tant bonjour que ça, lui, parce que lui. Bon, moi, je l'avais pas. Vous en avez parlé rapidement hier soir, mais je ne connaissais pas cet individu. Et du coup, bah aujourd'hui, il y a deux anniversaires où on avait vraiment très envie de passer les chansons. Je sais pas si comment on s'organise, qui on passe en premier, vous voulez qui? Alors on va faire anarchiste, de toute façon ce matin là on fait un petit peu n'importe comment. Donc, et bah écoutez, en fait notre premier anniversaire musical, joyeux anniversaire à feu Marvin Gaye, Marvin Gaye qui a été aussi l'interprète de cette magnifique chanson Sexual Healing, mais c'est pas celle-ci qu'on va vous passer. Parce on va passer son duo avec Tammy Terrell, c'est Ain't No Mountain High Enough. Et c'est évidemment un titre de la Motown de Détroit. Et ça part! Don't have to worry, 'cause baby. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi ? Bonjour à tous, bonjour à tous. On va très très bien ce matin. Voilà, c'est pour oh, vous c'est dire, dur, ce matin, c'est un peu l'esprit de la matinale, hein. De toute façon, hein, c'est, on vous l'avait dit les premières fois, alors certes ça a pris du galon depuis, donc vous êtes peut-être habitués à un certain standing, mais... Mais même nous on s'est habitués, franchement je me sens nue dans les ténèbres, sans, ouais, sans Doug déjà, et puis bon, faut aussi dire qu'on digère encore le choc, les révélations qu'on a eues par docteur Miroufflette, je sais plus, là. Qui nous a un peu retourné le cerveau. Donc nous, hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a gambergé de ouf, on s'est posé des questions, on a remis en question notre monde entier, on s'est couché hyper tard. Bon, c'est peut-être lié aussi au fait qu'on a mangé trop de chocolat, qu'on a eu mal au bide, qu'on s'est retourné dans son lit plein de fois, et on se réveille la tête dans le cul, quoi, forcément. Mais on est là quand même, et puis, tous les matins. En plus, t'as oublié de préciser qu'en plus... Bah vas-y, je sais que sinon tu vas... Ça, c'était une petite blague au petit-déj, mais d'accord, en ça plus, va. En plus, on a synchronisé nos cycles, et du coup, on est en plein dans notre période de règles, et du coup, voilà, quoi. En toute franchise, moi, c'était sûrement juste une crise de foie à cause d'avoir grignoté trop de chocolat. Mais ça m'a quand même traversé l'esprit. Je me suis dit peut-être qu'à force de passer beaucoup de temps, j'avais mes menses by proxy, comme on dit dans le milieu. Sait-on jamais, hein, je le dis, ça fait maintenant 3... j'arrive plus à compter. Ça fait longtemps qu'on est non-stop ensemble. Bah, ça fait deux semaines et demie. Deux semaines et demie, ah c'est marrant, j'étais sur 4 mois. Mais parce qu'avant ça, on se connaît en fait avant Kemen. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je me disais votre visage m'était familier. Tout s'explique. Du coup, on n'a pas non plus d'invité ce matin. C'est pour vous dire un petit peu le niveau d'arrache où on est là. Pourtant c'était bien parti, on avait préparé des trucs hier. Ouais, et... je pense que c'est le coup d'hier, on a pris un peu le boulard avec cet intervenant de haut standing et aujourd'hui on se retrouve voilà quoi. Du coup on s'est dit walou, on va appeler une ex de Kemen, elle est pas au courant et. C'est histoire de prendre de nouvelles et puis bon voilà. De toute façon je me suis dit qu'est-ce que j'ai le plus dans mon répertoire, des ex évidemment. Du coup on va l'appeler et vous allez pouvoir poser vos questions et moi-même je vais pouvoir prendre des nouvelles, ça fait un petit moment qu'on n'a pas. On va l'appeler, elle est pas au courant. On va pas dire son prénom tant que enfin voilà on va laisser se présenter parce que si elle est pas chaude de passer à l'antenne voilà quoi, je sais pas. Ah ça sonne là donc. Oui allô. Allô? Allô? Allô? Ouais, allô? Ça va bien? C'est qui? Bah c'est Kemen! Allô? Bah pourquoi tu m'appelles? Bah t'es à la radio des bons cons! Tu passes en direct! Bah viens me faire enculer! Bah... Et elle a raccroché. Bon, on va se passer un petit son, on va voir comment on organise cette journée qui commence décidément très très bien. On va s'écouter donc la javanaise, c'était l'anniversaire de Gainsbourg, on va passer oui, un moment exactement. Et puis on va appeler quelqu'un d'autre peut-être. Bon anniversaire, voilà, allez, Serge. Salut. J'avoue j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous. Mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain de vous. À l'amour, j'avais envie de voir en vous cet amour. ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Et au liqueur, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Blizzard, vous avez dit blizzard comme c'est étrange. Et on est des retours après cet incident technique. Alors, Kéman, je suis désolée, mais il y en a qui te demandent. Alors, on pourrait avoir des précisions sur comment ça s'est fini votre histoire? Je m'étais pas trop posé la question avant de l'appeler, mais c'est vrai que maintenant que vous le dites, je me demande si je l'ai pas largué par SMS. Bon, ceci explique cela, en tout cas. Nous sommes... Ou alors, je suis sorti avec sa sœur. Bon, je sais plus, c'était l'une ou l'autre. Je sais plus, c'est... Attends. Ouais, c'était il y a deux ans, trois ans, je sais plus, j'oublie tellement. Enfin, voilà. Vous savez ce que c'est d'être un womanizer, c'est pas forcément évident de tenir la liste des événements comme ça. Alors, nous avons trouvé un autre invité qui cette fois-ci, avec qui cette fois-ci nous n'aurons normalement pas de problème, hein, moi que Kéman était tenté par sa chair. C'est Julien, Julien Dajeng, le compagnon de vie de Ophélie. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, super. Alors, bien réveillé? Moyen ce matin, c'est un petit peu difficile. Ah bah c'est bien, on est tous dans le même bateau. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, mais ce matin, c'est chaud. Je crois que c'est parce que la lune est passée en Sagittaire cette nuit. Je l'ai tenté. Ouais, hein. Non, mais hier, on voyait la lune dès, je sais pas, 17h. Je trouvais ça bizarre. Si elle nous prépare un mauvais coup, celle-là. Non, mais gros point astrologie pour le 4, si vous voulez tout savoir. Il y a une conjonction. Voilà. Comment ça va, Julien, avec la radio? C'est pas trop... Vous en avez pas trop marre de la radio? Parce que je rappelle à nos auditeurs que vous vivez avec la directrice des programmes, Ophélie. Ouais, moi je suis je vis dans le studio de la radio, quelque part. Non, mais moi je suis beaucoup dehors, voilà, je passe d'un temps, j'entends des chroniques qui sont en cours de montage, des jingles en cours de création, ou de direct. Mais non, ça va, je le vis plutôt bien. Alors, on a pu vous entendre également dans la chronique, vous faites une chronique potager. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un teaser de la prochaine? La prochaine, ce sera sur la tomate. Les tomates. Voilà. Mais je me suis fait engueuler parce qu'Ophélie m'a dit que c'était beaucoup trop long. Donc, j'espère qu'elle a réussi à faire un montage. Peut-être qu'elle a passé la chronique en accéléré. Vous pouvez peut-être faire des épisodes. Il y avait trop de choses à dire, trop de détails, je pouvais pas faire l'impasse sur plein de choses. Et ça va être la saison des tomates là? Il va être temps de planter ou... Ah là, c'est le moment de semer les tomates. Hein. Ah. C'est le moment de faire les premiers semis. Il faut pas non plus trop se presser, on a le temps. Hein. Ouais, bon là on a bien le temps, tout le temps. Ouais. Et on a déjà des questions des auditeurs. Julien, comment penses-tu que ton ex réagirait si tu l'appelais en direct d'une radio alors que votre histoire ne s'est pas terminée en bon terme? Ça peut être une ex hypothétique. Je pense qu'elle m'enverrait bien chier. Il y a une question de Jean-Jean qui nous demande: Julien, que pensez-vous du nouveau Frédéric Lopez? Ah, moi je le connaissais déjà parce que je regarde souvent la quotidienne. Alors, quand on parle du nouveau Frédéric... Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi fait référence Jean-Jean quand elle parle du nouveau Frédéric Lopez? Parce que moi, je l'ai pas, là. Oui, alors en fait, le présentateur de Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est Frédéric Lopez, Fred Lopez, a passé le relais à un nouveau présentateur, un nouveau animateur, qui va accompagner les stars en Terre Inconnue. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et du coup, voilà, ce nouveau, il est là. Moi, je le connaissais déjà parce que c'est un type qui racontait ses voyages sur une émission de télé sur France 5 le midi, là, que je regarde souvent, qui s'appelle La Quotidienne. Donc, moi, je l'aimais déjà bien, donc voilà, je suis pas trop chamboulé. Hein. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Il est sympa. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Il est sympa. Il ressemble beaucoup à un pote à moi, en fait. C'est ça qui est un peu étrange. Yes. Moi, j'avais des questions également, parce que c'est la matinale, Julien. Moi, je voulais savoir comment ça se passait le matin pour vous. Est-ce que vous êtes team petit déjeuner ou pas team petit déjeuner? Est-ce que vous êtes quelqu'un du matin? C'est sacré, le petit déjeuner. Moi, le matin, je me réveille, je me fais un petit rooibos. C'est une espèce d'infusion de plantes que j'aime bien. Et je prends mon petit déjeuner devant et Arnold. Je sais pas si... Ah ouais, full régression là. Ah ouais, avec tous les matins, je regarde et Arnold. Alors, on rappelle que Julien vient d'avoir 30 ans. Je me tape 5 épisodes tous les matins. Il y a combien de saisons en tout de Hey Arnold? Parce qu'en fait, moi, je l'ai regardé à Téloche sans me soucier un petit peu de l'ordre, tout ça, quand j'étais gamin, mais... Je sais pas, là, ça a recommencé depuis le début, depuis hier ou entière, donc c'est revenu avec la mauvaise qualité du début, les dessins un peu... Mais ils sont trop bien, enfin, ça vous regardez ça sur la télévision, peut-être revenu... Ah oui, ça passe sur... En fait, nous, on pique l'abonnement MyCanal de ma grand-mère, en fait, qui a CanalSat. Ok. Et du coup, nous, on a l'abonnement, on peut prendre le truc pour voir sur la télé, sur les écrans, avec la Xbox. Mmh. Donc du coup, on a des chaînes satellites, et j'ai vu que ça passait, j'étais trop content. Ah bah vache, eh ben, je savais surtout pas que... J'avais essayé de télécharger, c'est introuvable, en DVD c'est introuvable aussi, et j'avais réussi à choper que la saison 1 sur l'Apple Store. Et je sais pas combien de saisons, je regarde beaucoup. Ça me donne trop envie de regarder. Ouais, je pensais pas que... Il y a une centaine d'épisodes, en fait. Ah, ok, je pensais pas qu'un jour, en 2020, qu'il y ait une chaîne qui repasserait des Arnold, ça fait plaisir puis, à savoir. Ouais, c'est trop bien. Alors, c'est trop bien. On a du coup, petit déj devant Arnold tous les matins. Très bon et programme. Juste rooibos ou vous êtes dans le genre à manger également? Ah non, je mange, en ce moment je mange des céréales, du Lot-et-Garonne. C'est genre des trésors de, un peu comme des trésors de Kellogg's, mais version, ça s'appelle Lucien Georgelin. Okay. C'est un mec qui fabrique des pâtes à tartiner, des sans huile de palme locale, bon sauf le chocolat forcément, et des confitures de sauce tomate avec que des produits locaux. Et c'est hyper bon. Il en fait, c'est comme des trésors, hein, c'est des trucs fourrés. Il en fait avec dedans du beurre salé, chocolat noisette. Il en fait avec chocolat au lait. Et il fait des trucs incroyables. Ça a l'air excellent. J'espère que une fois le confinement terminé, quand je viendrai vous voir, j'espère j'aurai droit à un petit déjeuner comme ça. Et j'espère j'aurai droit à un petit déjeuner avec Arnold. En parlant de ça, il y a Jean-Jean qui nous dit « Julien, je vous mets au défi de préparer un petit déjeuner au lit à votre dulciné. » D'accord. Sinon, elle est levée, donc pour ce matin, c'est râpé. Bah pour demain, j'espère, peut-être on aura une photo. Peut-être. Alors, elle demande aussi, Julien, c'est quoi votre émission préférée? C'est quoi mon émission préférée sur Radio Les Boncons? Alors, je ne sais pas, il y a juste précisé, c'est quoi votre émission préférée? Mais ça sent le piège quand même. Mon émission préférée, franchement, La Quotidienne, le midi sur France 5, je kiffe. Ah sinon, ouais, Élise Lucet, Cache Investigation, j'adore, je suis pas... Ah, mais vous avez bien raison, Élise Lucet, notre mère à tous. Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un qui a crié derrière vous? Ouais, elle a entendu le jingle, Élise Lucet. Du coup, elle a crié, Élise Lucet. C'est quoi? Moi, j'ai une question pour vous, Julien. Julien, quand est-ce que tu nous fais un petit... il est en cours. Oh yes! Attention, mes parents écoutent. Et Alain Soulard a très envie d'être papy. Faut pas lui faire de fausses pauses de joie comme ça. Ah, j'ai pas écouté le point confinement d'Alain Soulard, apparemment, c'était bien. Oui, je vous le conseille. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver tous dans les archives en replay. En podcast. En podcast. Eh bien, on va se lancer une petite musique en attendant les questions des auditeurs. On vous garde en ligne, Julien. Pendant ce temps-là, posez vos dernières questions à Julien. On se met un Beyoncé. On se met du gros Beyoncé parce que franchement, c'est la queen et on n'en a pas passé encore à la matinale. Ouais, la queen ou Beyoncé? Alors, la queen bee, Beyoncé. Allez, on balance. Avec 7-Eleven. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi? Vous êtes toujours à l'écoute de la radio des bons cons. Il est 10h33 exactement. Nous sommes le jeudi 2 avril. Nous sommes toujours avec Julien. Julien Dajeng. Alors, on a encore des petites questions pour vous, Julien. Une question de Joseph GM. Est-ce que, tel Pénélope Fillon, Julien a un emploi fictif à la radio des bons cons? Oui. Il le reconnaît? Il faudra bien garder les traces de toutes les chroniques que vous avez faites, toutes les participations, interviews, hein, au moment où il y aura un contrôle, par contre. Hein. Je vais tout garder pour l'URSSAF. Il y a Madame Mona qui demande « Porte-t-il le titre honorifique de premier monsieur des programmes ?» Ah, bah, je sais pas. Ça, le vous... ça vous conviendrait, premier monsieur des programmes ? Ouais, ça me va. Premier, ouais. Et ben voilà, ça part. Mais moi, ce qui me fait surtout peur, c'est qu'à parler comme ça, ça va finir par ressembler à une espèce de dictature autocratique, la radio des bons cons. C'est clair, avec Ophélie à la tête qui va complètement péter un plomb. Je vous rappelle qu'elle est vierge, c'est possible. D'accord, encore le point astrologique. Non, elle a rigolé derrière. Mais par contre, est-ce qu'elle a rigolé? Non, mais avec le décalage horaire, oui, je sais pas si elle a entendu le blague. Il y a un décalage entre... Elle n'a donc pas ri à ma blague sur la scène. Vierge, ascendant vierge. Mais elle précise. Ah, Jean-Jean précise vierge, ascendant vierge. Moi aussi, du coup, je vous entends d'un côté et j'entends Ophélie réagir aux blagues d'il y a 10 secondes à côté. Ah, ça doit faire mal au crâne, ça. Ça doit pas être évident. Alors, comment c'est de vivre avec une directrice des programmes? Bah, écoute, on s'adapte, hein, à son emploi du temps très chargé. On s'habitue à parler dans le vent parce qu'elle a toujours un casque sur les oreilles. Des fois, je lui pose des questions, je vois qu'elle me répond pas et puis un peu, je lui dis, ah bah oui. Forcément, elle ne m'entend pas. Mais ça, ça fait souvent ça quand on pose des questions à un soulard. Je suis bien devant et je lui fais ouh. Alors, on a un commentaire de Soulardicus Charcou. Alors, c'est Soulardicus. Soulardicus. Carou. Ah, d'accord. Soulardicus Carou. Oui, il faut okay. Faire un entraînement. Qui nous parle du véritable pruneau d'Agen. Ok. Purneau d'Agen, oui, parce que Julien, vous vous appelez comment, Julien? Oui, Julien. C'est quoi votre nom complet? Je m'appelle Julien Purneau. Voilà. Ah. Donc il a dit qu'ils disent que c'est le véritable Purneau d'Agen. Ah, c'est le véritable. Encore plus juteux. Doucement, doucement sur ses commentaires. Bah, on parle de caca, de bite et d'Hitler tout le temps. Bah oui. Parler de son petit pruneau juteux. Eh ben, chacun choisit de l'appeler comme il veut. Moi, j'aurais pas choisi forcément ce fruit sec, mais... Je sais pas si j'aurais pas choisi un fruit sec, déjà. Mais bon, ça se débat, ça se débat. Merci, Julien, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir et j'adore votre émission. Je suis hyper fan du jingle d'intro, là. Ah, merci. Bah, bravo, Kéman, pour ce jingle. Hein. Ouais, il est vraiment trop bien. Bah, merci à notre président, surtout, d'apporter autant de matière. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit derrière? Je sais pas. Pardon sa barbe. Ouais, je vais faire une dédicace. Bah, je vais faire une dédicace à la présidente. On a tendance à un petit peu oublier parce que c'est quand même la présidente de l'ombre, celle qui régit les programmes, tout ça. Donc. Est-ce qu'elle a un couteau de cuisine très aiguisé là, qu'elle pointe vers vous? Elle a quoi? Est-ce qu'elle a un couteau de cuisine très aiguisé qu'elle pointe vers vous là actuellement? Non, un pistolet à plomb. Très bien, mais en tout cas, on l'embrasse, la directrice des programmes, évidemment. Et on vous souhaite beaucoup de courage, Julien. Merci. À très vite. Salut. Salut, bisous, salut. Julien. Hop là. Et on raccroche à l'antenne, ce qui ne se fait normalement pas trop, mais aujourd'hui, on est complètement à la messe. Ah, ça bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'ai envie de vous dire, c'est notre émission, on fait bien ce qu'on veut. Ouais. Si on a envie de se barrer, vous laisser un blanc de 10 minutes, on peut le faire. Ouais, ouais, exactement. Mais on n'a pas envie de le faire, parce qu'on a des principes. Ouais, ouais, mais par contre, on lutte avec ces principes. Hein. Là, je vous avoue, aujourd'hui, franchement, 15 minutes avant l'émission, on était dans la cuisine en train de se dire, allez, on sèche la matinale ou quoi? Mais non, on a un devoir de partager ces moments ensemble, et quitte à s'emmerder, quitte à avoir la tête dans le cul, autant la voir tous ensemble. Parce que ça fait aussi partie de ça, c'est la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, le confinement, c'est pas toujours beau. Hein. Non, il y a des moments où on pète des plombs. C'est pas toujours sympa, des fois, c'est chiant, et en plus, je sais pas quoi dire, voilà. Ouais, non mais je suis totalement d'accord avec vous. Des fois, on passe par des états pas possibles. Puis, je suis désolée, mais moi, hier, le docteur Miroussou, ça m'a complètement chamboulé. Quoi. Non, c'était pas évident. Ouais, c'est vrai que... J'ai mis en cause tous mes principes de vie, Un moment fort. Je vais démissionner, c'est sûr, je vais... Je suis émue. Ah là... Jean-Jean nous dit, c'est Radio Bon Con, on fait ce qu'on veut, oui, on fait ce qu'on veut, on Et on peut même là. Surjouer extrêmement... Si je peux me permettre. Et puis, ce qu'on me demande, mes dernières volontés, hop. Je le crie haut et fort. Bon, malgré tout ça, j'essaye d'enchaîner parce que là, c'est... Enchaîner quoi ? Il nous manque quelqu'un, là. Oui, non, mais moi, j'ai quand même... J'ai une petite chronique de musique à faire. Ce sera pas bien longue, aujourd'hui. Oui, on a encore l'espoir d'avoir le bon... Comme... Ah non, vous allez dire que non, mais on va pas enchaîner... Non, pas... Comme ne sombrons pas dans le comme Macbeat, quoi, ou comme ta bite, ou comme la bite de je ne sais qui. Ne tombons pas si bas. Hitler, oui, mais la bite, non. Voilà, on avait dit ça quand on avait signé la ligne éditoriale de Radio des Bons Cons, c'était Hitler, oui, la bite, non. Ou l'inverse. Ah, je ne sais plus, je m'égare. Oui, malgré tout, on espère pouvoir avoir le bon Doug d'ici la fin de l'émission. Qu'est-ce qui est... Oh là là ! Revirement de situation exceptionnelle, Douglas a fini son conf call, il va pouvoir nous rejoindre. Vous imaginez pas comment je suis heureuse. Ah, bah, appelle-le en direct, on s'en fiche, on s'en fout, allez, que diable. C'est la matinale. Allez, on s'en fiche, de toute façon, on appelle, on fait le... Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Vous allez avoir... Je fais la musique d'accueil aussi. J'espère qu'il a préparé son petit micro. Qui n'est pas un euphémisme. Alors. Bon, évidemment, je vais vous faire une chronique musique. Elle sera un peu moins dense que les autres jours. Parce que voilà, je vous emmerde. Non, parce que tout simplement, je voulais parler d'un artiste aujourd'hui, mais on va attendre d'avoir en ligne notre cher Douglas. Je voulais parler d'un artiste que j'ai découvert il y a quand même assez peu, grâce à ma petite sœur qui a 10 ans de moins que moi et qui, malgré tout, arrive à me donner des leçons de vie exceptionnelles en me faisant découvrir Mac Miller. Donc je connais assez peu de choses de lui, mais je le trouve assez passionnant pour essayer d'en dire quelques mots, sans rentrer dans les détails de toute sa discographie. Je vais en tout cas essayer de traiter des albums qui me touchent et des morceaux qui m'ont un peu parlé, plutôt sa fin de carrière. Bon, on n'arrive pas à l'avoir, Douglas, donc moi je vais commencer ma chronique. Pendant la première chanson. Donc on va parler de Mac Miller. Ah, bah il nous rappelle, mais dis donc. C'est n'importe quoi cette émission, j'en peux plus. Ouais, franchement, je vous déconseille de l'écouter en podcast. Si vous l'écoutez en podcast, bah vous venez de perdre une heure de votre temps. Bravo, bien fait pour vous. Allô ? Allô ? Allô ? Qu'est-ce que. Vous êtes encore. J'ai sous la table de la réunion. Putain. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe actuellement, là, professionnellement, au-dessus de votre tête? Alors, là, ils sont en train de signer un gros chèque. Je vais essayer de le voler au passage. J'espère qu'ils n'auront pas mis d'ordre. Allô? Douglas, je vais te faire opérer? Mission aboard! Je répète, mission aboard! Et on a déjà perdu Douglas, c'est fou comme la technologie va vite de nos jours. Fou comme cette émission est nulle! Ah là, mais c'est ce qui a notre. C'est ce qui donne notre c'est côté. Bon, c'est libre comme là. Alors, comment était cette réunion? Vous voulez nous faire un petit débrief, Douglas? Ouais, c'est là que j'ai. Allô? Non, vous nous avancez pas. J'ai le malheur de. Ah bah, ça s'est très bien passé, mon directeur technique a été très content de mon travail. Très bien. Vous avez le droit à un pin, c'est un bon point peut-être, une image? Ah, il y a une terrible désillusion. Oh merde, on est complètement décalé, j'ai le sentiment qu'on joue au burger de la mort là. De vaquer à ma matinée. On joue au burger de la mort, c'est exactement ça. On doit avoir une latence de quelques secondes là, mon cher Doug. Je vais faire ma chronique musicale et puis on vous reprend juste après. Il y a une question de Mona qui nous dit quand même quid de la bite d'Hitler. Eh ben c'est une zone grise, donc j'ai le sentiment que... qui veut y aller, y va. Non mais sur ce sujet évidemment, pas sur la partie du corps susnommé de l'individu susnommé également. Allez, 40 minutes d'émission, encore 20 minutes à tenir, on va y arriver tranquillement. Damien, vous nous entendez malgré tout? Ok, mais c'est vraiment la loose. Bon, je vais faire ma chronique musicale. Hein. Damien, on vous reprend juste après, on trouve une solution. Parce que là, on a bien 10 secondes de latence entre vous et moi, Damien. Je sais pas si sur Aix-en-Provence est sur le même timeline que nous, peut-être pas, mais en tout cas, la communication est très compliquée et nos auditeurs se barrent de minute en minute. Alors, parlons Mac Miller, parlons bien, parlons peu. Allez. Allez, hop, on va parler de Mac Miller. Donc moi, c'est un artiste que j'ai découvert finalement peu de temps avant sa mort. C'est un peu triste. Voilà, Mac Miller qui est né en 1992, très jeune artiste, rappeur, qui a commencé sa carrière, qui est né à Pittsburgh, donc aux États-Unis, dans la Rust Belt, comme on dit, dans cette zone des États-Unis autrefois extrêmement riche de par son industrialisation, et qui s'est complètement appauvri à passer le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'il y a eu des gros mouvements musicaux, hein, dans ce même coin. On a Détroit, du coup, qui a vu naître le studio Motown, le label Motown, et on a Pittsburgh aussi, du coup, d'où vient Mac Miller. Il y a aussi Wiz Khalifa qui vient de là-bas, mais personnellement, je m'en tamponne le coquillage. Donc Mac Miller, c'est un rappeur qui est passé par plein de phases. Il a commencé dès 15 ans à faire des mixtapes, vous pouvez en trouver plein sur lui. Il a fait notamment une chanson qui s'appelait Donald Trump, qui a été son premier gros succès. Je devais vous la passer dans la matinale, mais alors, certes c'est son premier tube, moi j'adhère pas forcément à cet univers-là. Il encense un petit peu le modèle Donald Trump, qui est un peu le modèle du rêve américain, l'entrepreneur, le propriétaire foncier. Donc évidemment, a posteriori, Mac Miller a complètement désavoué ses propos, hein, il était jeune et naïf. Et puis à cette époque-là, Donald Trump, c'était un mec friqué et pas le président des États-Unis. Évidemment, avec le recul, peut-être qu'on voit ça avec un peu plus d'amertume, notamment en ce qui concerne Mac Miller. Non, j'ai découvert Mac Miller avec ses deux derniers albums, notamment avec Swimming, sorti en 2018. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché, parce que contrairement à ses premiers mix, ses premiers morceaux, qui étaient vraiment des mixtapes, donc on a une instru téléchargée sur internet, et puis il rappe par-dessus, il monte son flow, donc bon, ça lui a quand même permis de montrer sa capacité d'écriture, hein, et d'interprétation. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le hip-hop. Alors c'est très personnel, hein, le hip-hop avec de la musique composée, enregistrée, produite, et qui se base pas que autour du sample. Bon, c'est un art aussi, hein, mais voilà, moi je parle de ce dont je suis capable de parler. Et donc avec Swimming, on est sur un album avec des univers un peu soul, un peu... qui me parle un peu plus, hein. Il y a d'ailleurs un super morceau produit par Thundercat, on va s'écouter ça juste après. Thundercat, un bassiste de ouf, influence soul, R&B. Et donc j'ai découvert par cet album-là, que ma sœur écoutait en boucle, qui m'a dit « Mais non, mais tu devrais écouter, toi qui commences un peu à écouter du hip-hop, tu vas apprécier. » Et effectivement, on est sur quelque chose d'assez ouf, hein, je vais vous mettre le morceau. Alors ce qu'il faut savoir aussi de Mac Miller, et c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est qu'il rentre parfaitement dans le code de tous ces musiciens dont je vous parlais avant, les espèces de mecs qui se sont fait tout seuls ou qui bidouillent dans leur garage. Voilà, on est sur du DIY. C'est quelqu'un qui a appris à faire de la batterie, de la basse, de la contrebasse, de la guitare et du piano tout seul. Et c'est, voilà, ces instruments, ces prods, contrairement à beaucoup de rappeurs, c'est Mac Miller sur ces deux albums-là, sur Swimming et le dernier Circles, qui est sorti à titre posthume. Voilà, c'est lui qui compose, c'est lui qui arrange, et c'est quand même assez rare dans les rappeurs US de nos jours, hein. Bah, par exemple, Wiz Khalifa, il pourra clairement pas se vanter de ça. Donc on va essayer de récupérer notre bon Damien, et je vais vous faire écouter justement un morceau qui est tiré de cet album de 2018, Swimming, qui s'appelle Come Back to Earth, et qui est produit par Thundercat. Alors pour les puristes de Mac Miller, n'hésitez pas, hein, à commenter sur le Discord ou sur le chat pour donner des infos sur le Mac Miller d'avant 2018, que moi-même je ne connais assez peu musicalement. Mais je préfère vous parler de ce que je connais plutôt que de faire ma recherche Wikipédia que j'ai quand même faite, mais finalement derrière moi, en termes d'émotion et de ce que j'ai ressenti sur les tracks, je pourrais pas vous dire grand chose. On va s'écouter du coup Come Back to Earth, c'est bien funky, c'est bien groovy, ça fait bouger les culs, et on en a bien besoin ce matin, c'est parti. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors, they're more like strangers, we could be friends. I just need a way out of my head. I'll do anything for a way out of my head. In my own way, this feel like living. Some alternate reality. Drowning, but now I'm swimming through stressful waters to relieve. And all the things I do, spend a little time in hell. that sunshine don't feel right when you're inside all day. I wish it was nice out, but it looked like rain. Gray skies are drifting, not living forever. They told me it only gets better. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors, they're more like strangers. We could be friends. I just need a way out. In my head, I'll do anything for a way out. In my head. Eh ben, c'était Mac Miller, et du coup, pour continuer cette matinale d'enfer, eh ben, c'était pas le morceau que je pensais vous présenter. Non, c'était Come Back to Earth, qui est bien de l'album Swimming, qui est très posé, mais le morceau dont je vous parlais, qui était groovy, funky, produit par Thundercat, c'est What's the Use. Si vous voulez l'écouter, il est sur YouTube, et moi je l'ai déjà passé... Enfin non, Didier Shorba, excusez-moi, l'a déjà passé un samedi soir. Ça groove bien, ça danse bien, c'est funky. Mais Come Back to Earth, c'était plutôt une bonne ambiance, bien chill pour commencer cette journée, bien planante. Et il est aussi capable de ça, Mac Miller, dans cet album, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas le rappeur, alors si sur ses premières mixtapes, sur à certains moments, il a voulu faire le classique rappeur kéké à base de bling bling, on voit, avec cet album-là, on est sur quelque chose de plus émouvant, de plus à cœur ouvert, c'est ça que je trouve intéressant. Donc Mac Miller, ce qui aussi fait partie maintenant de son histoire, c'est que en août 2018, il nous a quitté. Même septembre, je sais plus la date. Non, c'est ça, c'était début septembre 2018. Il est mort d'une overdose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un gros consommateur tout d'abord de cannabis à la base, et puis ensuite d'opiacés, hein, parce que aux États-Unis, vous savez, ça se gobe comme des Smarties, ce genre de conneries. Il était particulièrement consommateur de la line, ce qu'on appelle la line. Alors les plus jeunes connaissent peut-être, moi j'ai découvert ça justement avec Mac Miller. Alors ça y est, je fais déjà vieux con. Comment ? Non, c'est pas ça. C'est pas dans... Non, c'est les Lube dans le Loot Wall Street. Oui, c'est ça, c'est des somnifères, ça. Ça, c'est le truc où quand ils luttent contre l'effet somnifère, ils sont éclatés. Non, la line, ça s'appelle aussi Purple Drank. Ça a plein de noms de merde. C'est le truc des jeunes, ça. Ouais, c'est ça, c'est les trucs qu'ils boivent dans leur gobelet en plastique violet, en général. Et c'est... C'est du Sprite mélangé avec du sirop codéiné et un mélange d'autres opiacés. Donc là, apparemment, ce qui a tué Mac Miller, c'est un mélange de cocaïne, alcool et de fentanyl. En fait, il pensait avoir des cachets de codéine et son dealer lui a revendu à la place du fentanyl. Alors le fentanyl, je sais pas si vous connaissez, mais c'est responsable d'une énorme crise sanitaire aux États-Unis, bien plus mortelle en tout cas que le coronavirus sur leur territoire, hein, j'entends. C'est un opiacé qui est à la base est un anesthésiant pour animaux, voilà, pour chevaux même, qui est beaucoup beaucoup plus fort que l'héroïne et qui est prescrit par les médecins, hein, parce que aux États-Unis on prescrit facilement des opiacés très très forts, et une fois la prescription terminée, en général les gens se retrouvent à aller acheter du fentanyl ou alors de l'héroïne dans la rue, hein. C'est ce qui a rendu beaucoup beaucoup de gens accros. Je crois qu'il y a eu un envoyé spécial qui a été fait par Eddie Zulsek sur ce sujet-là. Qui est vraiment de grande qualité. C'est pour ça qu'en France, ils ont arrêté de distribuer librement les Doliprane codéinés. Ouais. Bah non, mais de toute façon, c'est arrivé en France. Hein. Moi, je sais que ma petite sœur me parlait de camarades qui avaient déjà voulu essayer ça, hein, forcément. Le carfentanil. Bah oui, merci Kéman pour ces bons conseils drogue, c'est le meilleur moment pour tester. Et ben je vous enfin, franchement le fentanyl, vous pouvez regarder hein, il y a des docus, il y a aussi Martin Veil qui a fait ses documentaires là, pas mal sur les États-Unis qui a parlé de la crise du fentanyl. Vous en avez plein là-dessus, c'est extrêmement flippant parce que des gens qui vont se faire opérer pour une hanche cassée qui sortent de chez le médecin avec une prescription d'un mois pour des opiacés qui se retrouvent à aller acheter dans la rue après derrière, hein, qui sont hyper dépendants. Et le fentanyl est tellement fort que l'overdose, elle arrive très très vite. Donc ouais, non, les conseils drogue, on n'est pas sur des trucs très fun et récréatifs. Hein. Bah, Mac Miller en est mort, hein, de toute façon, hein, voilà. Malgré tout, hein, c'est un artiste exceptionnel et il n'est pas parti. Il avait prévu de préparer un triptyque avec cet album Swimming et Circles et il voulait en faire un troisième et il avait déjà composé l'entièreté d'un album qui s'appelle Circles et qui est sorti du coup fin 2019. Qui est aussi très beau, très émouvant, beaucoup plus doux. Il y a plein de chansons, dont celle qu'on va vous faire écouter après, c'est Comme se sentir dans du coton. Bon certes, hein, sa consommation de drogue, elle avait aussi une influence sur sa façon de composer, d'écrire, mais ce qu'on sait de lui, et il a fait beaucoup d'interviews là-dessus, Mac Miller, c'est que c'était quelqu'un de très très anxieux, de parfois très malheureux dans sa vie professionnelle, hein, la vie d'artiste, d'être trimballé de gros labels, de grosses majors, être parfois vu et perçu qu'à travers son image, ou à travers ce qu'on peut produire, ou amener à un label, ça peut être... très très dur, on parle, bon, il y a aussi son histoire avec Ariana Grande dont il s'est séparé quelques mois avant, ça je vais pas faire dans la partie people, c'est un peu moins drôle, mais... Enfin c'est moins drôle, non, je dis pas que c'est drôle, ces histoires de dépendance, mais... Non, voilà, même lui, de son propre aveu, Mac Miller, il a pas beaucoup parlé de ses dépendances, il essayait pas de s'en cacher, et il savait très bien, il était assez réaliste sur le fait que ça le rendait... assez triste, et en fait dans l'album, ce dernier album là, dans Circles, qui est sorti l'année dernière, c'est assez lourd et en même temps assez, assez fort parce qu'on ressent en fait toute cette tristesse de ce personnage là. Donc on va s'écouter Circles pour finir cette petite chronique, creuser un Mac Miller, enfin les deux albums Swimming, Circles, très posé, très très beau, et puis bah traîner un peu sur sa bio parce qu'il a une vie intéressante, pas simple, mais c'était quand même voilà, c'était quand même un génie, parce que pour apprendre autant d'instruments tout seul, pour produire, pour composer ce qu'il fait, dans le hip-hop américain, ils sont quand même pas nombreux à être autant autodidactes et aussi dégourdis. On s'écoute Circles de Mac Miller. Before you fall, stumbling around, you've been guessing your direction, except you can't see it all. And I don't have a name, I don't have a name. No. Who am I to blame? Who am I to blame? No. And I cannot be changed, I cannot be changed. No. Trust me, I've tried. I'd stand up right at the start of the line, drawing circles. Well, I drink my whiskey, you sip your wine. We're through a while sitting watching the world falling down its decline. I can keep you safe, I can keep you safe. Do not be afraid, do not be afraid. You're feeling sorry, I'm feeling fine. Don't you put any more stress on yourself, it's one day at a time. Getting pretty late, getting pretty late. And I find it goes around like the ends. I keep counting the time, drawing circles. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Et on est de retour. Juste avant de faire le jeu concours de deviner le film que j'avoue hier soir, on va bientôt le faire, donc préparez-vous, allez sur le post Facebook de ce matin, qui est quoi, Chloé? Ce matin, sponsorisé par Hubert Félix Typhon, hein, qui nous fait un grand beau sourire, on l'embrasse, Un sourire qui ensoleille notre journée, voilà. Ça nous met plein de bonheur dans notre cœur. Oui, tout à fait. Et donc, vous allez sous ce post et vous vous préparez à commenter le titre du film dont j'ai oublié le nom. En attendant, du coup, on a récupéré notre petit Douglas Wilson. On s'est synchronisé dans la conversation. Comment allez-vous, Doug? Eh ben, ça va super, super bien. Je me suis levé super tôt, du coup, je suis en forme. Alors, comment ça a été? C'était très studieux ce matin. Vous avez bossé d'arrache-pied Ouais, fallait que je rende un truc, puis genre hier j'ai vraiment passé une journée de grosse loque, j'ai fait une sieste de 4h à l'après-midi, à 22h j'étais en train de me dire « Ah, faut que j'aille me coucher », et puis là je me suis dit « Non, t'as quand même une conscience professionnelle », du coup je me suis couché à 3h30 du mat pour préparer tout aujourd'hui. Ah, d'où le SMS à 3h du mat. Et en fait c'est en finissant mon truc à 3h du mat, j'ai vu que j'avais un truc ce matin à 10h, donc j'ai fait « Waouh, faut que j'arrive à me lever ». Je l'ai fait, je sais pas comment, mais je l'ai fait, et malgré le peu d'heures de sommeil, je suis au taquet, peut-être qu'en milieu d'après-midi, ça va retomber d'un coup. Ouais, il y a peut-être eu le café club déjà, j'imagine, pour être en forme pour le conf call. Ah ouais, j'avais tout préparé hier, enfin du coup, avant de me coucher, j'avais préparé la cafetière et tout, ce matin en levant, j'avais juste appuyé sur le bouton, c'était beau. Ah, ça doit être, ce qui doit être assez pratique avec le conf call, c'est que vous pouvez arriver au boulot en puant de la gueule. Ah non, mais je m'étais quand même douché pour être réveillé. Parce que la douche participe au bon réveil du corps. Hein. Il faut pas négliger la douche le matin. Ah. C'est vrai que moi, en période de confinement, je suis plutôt douche de fin de journée, ce qui n'est pas du tout mon cas. C'est vrai que je pourrais jamais aller au travail sans me doucher, clairement. Trop la tête dans le yonf. Bah ouais, non, ça fait du bien. Puis j'ai fait un peu d'étirement aussi. Non, j'ai vraiment fait un matin, on va dire... Sérieux quoi, c'est le respect du corps et tout ça. Ça vous change quoi? Ah ouais, non, clairement aujourd'hui ce n'est pas Douglas que vous avez, mais c'est bien Damien. Oh la vache! Ah oui, on en est là! Ah putain! Et tout ça pour nous laisser comme des cons, nous, avec notre tête dans le cul et notre émission à animer malgré. Damien, on était perdus sans toi. Je suis franchement désolé. Hein. Vous êtes notre phare dans la nuit, Damien? Comment? Vous êtes notre phare dans la nuit? Ah ouais. Je suis le phare de la radio des bons cons, c'est ça? Pas du tout de problème d'ego. J'espère que du coup vous avez tous pu rejoindre la publication Facebook hein, de Typhon. Ouais, on va faire le film on là. On va faire le petit film, je pense. Si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas, hein, parce qu'après on passe une dernière chanson. Bon, Je l'ai pas dit, à mes collègues hein, le nom du film, donc devinez sur le Facebook et puis après je leur demanderai une fois que j'aurai fini, que j'arriverai au bout, je demanderai avec eux s'ils ont une idée. J'attends qu'il y ait plusieurs propositions. Voilà. Et là pour l'instant t'as rien dit. Non, bien sûr y a rien. Mais j'attendrai de voir si le bon Doug ou le bon Damien aujourd'hui, puisque nous avons l'authentique. Bon Damien. Et Chloé ont bien cette réponse. Attendez, je bois une petite gorgée de jus de pamplemousse parce que la vitamine C, l'orange c'est la santé, non? Et ben c'est bon. On va lancer de l'ASMR point ASMR. Allez. Ça pique le pamplemousse. Ah ouais. Alors du coup, hier soir j'ai vu un film hein, comme souvent hein, le soir je regarde des films, c'est bon quoi. C'était une fresque sociale. Bah ouais, mais c'était une fresque sociale. Moi j'aime, c'est mon genre de film. Arrête de rigoler, moi j'aime bien ce genre de film. Je suis non, pas mais très. Oui, je sais que t'es fan. Je suis pas. Moi j'aime des films qui me font réfléchir un petit peu au monde tel qu'il est, les codes sociaux, les valeurs face au travail, face à la société, le mélange des races, des classes, des sexes. Moi je suis pour tout ça quoi. C'était une fresque sociale. Ça se passait. Franchement c'était un peu rétro dans les looks. Moi je dirais qu'il y a bien, on est sur un truc années 90, peut-être fin 80, début 90 en termes de look, hein, franchement c'était rétro, c'était old school. Ça se passait, ça portait des survêtes, des jogos, des vestes en cuir, c'était un Golf GTI, Peugeot 205. Il y avait des crânes rasés et tout, il y avait ça allait vite. En fait, j'ai des infos. J'ai peur que ça trouve trop vite derrière. Non, mais à un moment ça fait un barbecue, ça mange des merguez là dans du pain. Bah c'est vrai, c'est ça. Ça c'était un moment. Il y avait du partage, de l'échange. Tu vois, il y avait tout le monde qui était mélangé, tout le monde était. Belle proposition, c'est parti. Et puis voilà, c'était un truc un peu black blanc beurre quoi. Il y avait un truc un petit peu France 98. C'était pas en 98, hein, je préfère vous le dire tout de suite, mais il y avait un petit côté Zizou sur Arc de Triomphe, ce truc-là, partage, mélange, tous unis, United Colors of Benetton quoi. Enfin, c'était beau, c'était un beau message quoi. Bah, c'est une fresque sociale quoi, de toute façon, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et du coup, ça se baladait dans Paris, ça marche par-ci, ça marche par-ça, et puis, dans le sentiment, dans le film, t'avais quand même des mecs en uniforme qui étaient un petit peu, je sais pas, t'as le sentiment que c'est un peu des gros bâtards, voilà. On a ce sentiment, et puis à un moment, foutu. Excellent, foot de rue, j'adore, belle suggestion. Et t'as quand même ce mec là, donc le mec quand même, le mec déjà de base, le mec, le mec qui se tape Monica Bellucci, et en plus de ça, il fait genre, il se prend pour De Niro devant son miroir, c'est un peu chelou, il y a un truc, j'ai pas tout saisi, hein, bon. Mais il y a ce truc un petit peu... Et lui il est blanc, lui il est arabe, mais on est quand même copains. Par contre, avec les flics, c'est tendu. Par contre, ça passe pas. C'est à cab un je peu crois, avec les flics. Ouais, je crois que c'est un peu à cab. C'était un peu émouvant et on a déjà eu des vainqueurs. Hein, de toute façon, je crois que là on a déjà des vainqueurs. Bon, bah c'était super, c'était pas très bien raconté, mais je crois que vous avez saisi l'idée. Hein. C'était donc foot de rue. Non, je déconne. On a eu taxi, effectivement, ça aurait pu être taxi, hein, mais Samy Nasseri, il a surtout des problèmes avec la police dans la vraie vie. Mais oui, c'était donc Doug, vous avez la référence ? Bah non, mais j'ai la réponse sous les yeux, donc. Ah putain, bah ouais. J'ai jamais vu, moi. Ah bah alors, bah voilà, alors, si vous voulez mater un bon film d'un bon collectif, ouais. Ah non, mais moi j'ai Netflix qui vient de me rappeler qu'il fallait que je finisse Friends, donc je pense que ça attendra encore un petit peu de temps. Oh bah... C'était donc La Haine de Mathieu Kassovitz. Voilà, et donc on a le même vainqueur qu'hier. À moins que. Ouais, je crois que ton timing. Mona était pas loin. C'est bien, mais c'est que... d'abord Joseph Goldenmayer. Ouais. D'ailleurs, Joseph, hein, je crois que vous êtes encore notre vainqueur, mais d'ailleurs, je vais en profiter pour passer votre petite dédicace que vous nous avez transmise. Alors, dédicace à tous ceux qui traînaient au trèfle dans le collège René Guicadou. Yes. Les vrais savent. Et ceux qui ont vomi d'ivresse dans le skatepark d'Anceny. Alors ça, c'est extrêmement spécifique, qu'on se demande bien qui cela peut bien cibler. Hein. Si vous avez la réponse, envoyez vos noms sur le chat. Hein. Nous, en tout cas, on n'en a aucune idée ici. On va se dire au revoir, Damien. Bah ouais, on va se dire au revoir. Non. Alors, est-ce que votre état d'énergie va perdurer ou bien, après avoir accroché, vous allez vous endormir comme une merde sur votre clavier d'ordinateur ? Ah non, je pense que ça arrive en plein milieu d'après. J'ai encore de la marge. Ouais, très bien. Je pense que j'allais faire des courses parce que j'ai plus de bière, donc voilà. Ah ouais, mais ça, il faut le faire quand on est vraiment armé psychologiquement et physiquement. Hein. J'espère ouais, que vous êtes au taquet. Moi, j'y suis allé hier, c'était hyper bizarre. Vraiment ouais. Très bizarre. Il y avait les gens qui s'approchaient de moi au rayon yaourt, j'étais pas sereine du tout. Mon objectif, c'est de trouver enfin de la farine. Donc, je vous ferai un récap demain si j'en ai trouvé. Ok. Et si j'en trouve pas, je pense que je passerai au JT parce que j'aurai tué quelqu'un. Donc, ouais. Et ben, on regarde attentivement France 3 Région Aix-en-Provence. Bah ouais. Allez-y. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, puis on espère que demain vous serez avec nous de bout en bout. Bah, j'espère aussi, hein, parce que je suis un peu triste. Bah, nous l'étions et bien désemparés, nous pouvons vous le dire. Aïe, aïe, aïe. Chloé, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour cette journée qui commence un peu moins dans le coltard qu'il y a une heure? Je voudrais balancer aux zoulettes, vos conseils. Vos conseils anti-mal de bite de règles sans pouvoir sortir trop et sans baignoire et sans weed. Voilà, dites-moi vos conseils à vous, les filles. Qu'on partage ça ensemble. Ouais. Et parce que Kéman aussi, il est... Et moi, j'attends vos conseils crise de foie après avoir bouffé beaucoup trop de chocolat. Voilà, j'attends vos conseils, les mecs. Comment faire pour faire passer un mal de bite de mec qui s'est pas contrôlé face à du chocolat. On va finir cette journée avec notre gros grand classique, notre fidèle invité de tous les jours, finalement, Philippe Catherine, Francis et ses peintres. Et on va écouter un peu de hip-hop avec ma Benz et sa part, et buenas noches, comme on dit en espagnol. Laisse moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa ça me rend dingue. Laisse moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa ça me rend dingue. Gaz t'es sexy, viens voir que City original Walkman, ville de Paris. Gaz t'es joli dans ton Versace. Viens t'amuser avec un digitap celebrity. Wine bouge, carré sur le groove. J'aime les gars, surtout quand les gars move. Move up, waft comme une louve. Bouge ton corps de la tête au pied, t'approuve. Move up, guy, wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Vas-y Joey, explique clair. Ça se passe à l'arrière d'une Merco Benz. Ouais, du côté de Saint-Denis, baby. J'te garantis, y'a des dingues, des dingues. T'es ma mire, j'suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Lufia, on vivra en autre toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on en guille. J'veux du freestyle, j'veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Bam, baby, monte sur mon set, ça n'y fonde. J'te la ferai façon, j'te cueille, y'a que ça qui me rend joke. À ton contact, j'deviens liquide. C'est comme un trou intemporel, bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, baby, ouais, ok, ça roule. J'deviens insaisissable, à ton contact clair et humide, c'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Ce soir, faut qu'on se fâche, baby. Faut qu'on se clash clairement. Faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc move ton body, fais bander les bandits. Puis ton monde a bandi, tu t'en sortiras grandi. Tu sais ce qu'on dit, faut que ça glisse et plus que ça transpire. Faut que ça foute en transpire, faut plus que je respire du tout. Donne-moi tout, donne-moi tout ce que t'as. C'est fou ce que t'as comme talent, mais où ce que t'as appris tout ça. Après tout ça, je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'aube. Donc vas-y, monte sur mon scène, ça me défend. Laisse-moi zoom zoom. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Car quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zen soir, une merco noire avec des vitres teintées arrivée avec un booming system. C'est ma dance, dance, dance. C'est ma dance, dance, dance. Zoom, zoom, zen. Yo, 9-3 style. Dance, dance. Laisse-moi zoom, zoom, zen dans ta dance, dance, dance. Regarde quand tu pointes ton pompon, ça prend dang, dang, dang. Laisse-moi zoom, zoom, zen dans ta dance, dance, dance. Regarde quand tu pointes ton pompon, ça prend dang, dang, dang. La radio des bons coins, la radio des bons confinés, mais pas finaux. La radio des bons cons.